Josué chapitre 18. Or toute l'assemblée des enfants d'Israël s'assembla à Silo, et ils posèrent là le tabernacle d'assignation, après que le pays leur eut été assujetti. Mais il était resté entre les enfants d'Israël 7 tribus, auxquelles on n'avait point distribué leur héritage. Et Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand vous porterez-vous lâchement à passer plus loin, pour posséder le pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères vous a donné ? Prenez d'entre vous 3 hommes de chaque tribu lesquels j'enverrai, ils se mettront en chemin, ils traverseront le pays, et ils en traceront une figure selon leur héritage, puis ils s'en reviendront auprès de moi. Ils se la diviseront en 7 portions, Juda demeurera dans ses limites du côté du Midi, et la maison de Joseph demeurera dans ses limites du côté du septentrion. Vous donc faites une figure du pays en 7 parts, et apportez-la moi ici, puis je jetterai ici le sort pour vous devant l'Éternel notre Dieu. Car il n'y a point de portion pour les Lévites parmi vous, parce que la sacrificature de l'Éternel est leur héritage. Quant à Gad et à Ruban, et à la moitié de la tribu de Manassé, ils ont pris leur héritage au-delà du Jourdain, vers l'Orient, que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné. Ces hommes-là donc se levèrent, et s'en allèrent, et Josué commanda à ceux qui s'en allaient de faire une figure du pays, en leur disant, « Allez et traversez le pays, et faites-en une figure, puis revenez auprès de moi, et je jetterai ici le sort pour vous devant l'Éternel à Silo. » Ces hommes-là donc s'en allèrent, et passèrent par le pays, et en firent une figure dans un livre selon les villes en 7 parties, puis il revint à Josué au camp à Silo. Et Josué jeta le sort pour eux à Silo devant l'Éternel, et Josué partagea là le pays aux enfants d'Israël selon leur part. Et le sort de la tribu des enfants de Benjamin selon leur famille, sortit, et la contrée de leur sort leur échut entre les enfants de Juda et les enfants de Joseph. Et leur frontière du côté du septentrion fut depuis le Jourdain, et cette frontière devait monter à côté de Jéricho vers le septentrion, puis monter en la montagne tirant vers l'occident, de sorte que ses extrémités, se devaient rendre au désert de Beth-Aven. Puis cette frontière devait passer de la vers Luz, à côté de Luz, qui est Bethel tirant vers le midi, et cette frontière devait descendre à Trotadar, près de la montagne qui est du côté du midi de Beth-Horon la basse. Et cette frontière devait s'aligner et tourner au coin occidental, qui regarde vers le midi, depuis la montagne qui est vis-à-vis de Beth-Horon, vers le midi, tellement que ses extrémités devaient se rendre à Kirjat-Baal, qui est Kirjat-Jéharim, ville des enfants de Juda. C'est là le côté d'Occident. Mais le côté méridional est depuis le bout de Kirjat-Jéharim, et cette frontière devait sortir vers l'Occident, puis elle devait sortir à la fontaine des eaux de Nephtoa. Et cette frontière devait descendre au bout de la montagne qui est vis-à-vis de la vallée du fils d'Hinnom, et laquelle est dans la vallée des Réphaïm, vers le septentrion, et descendre par la vallée d'Hinnom jusqu'au côté de Jébusi vers le midi, puis descendre à Enrogel. Et elle se devait aligner du côté du septentrion, et sortir en Sem, et de la Bergelilot, qui est vis-à-vis de la montée d'Adumim, et descendre à la pierre de Bohan, fils de Ruban, et passer à côté de ce qui est vis-à-vis de Araba vers le septentrion, et descendre à Araba. Puis cette frontière devait passer à côté de Beth-Togla vers le septentrion, de sorte que les extrémités de cette frontière, se devaient rendre au bras de la mer Salée, vers le septentrion, au bout du Jourdain vers le midi. Ce fut là la frontière du midi. Et le Jourdain le devait borner du côté de l'Orient. Ce fut là l'héritage des enfants de Benjamin selon ses frontières tout autour, selon leur famille. Or les villes de la tribu des enfants de Benjamin, selon leur famille, devaient être, Jéricho, Beth-Ogla, et Meketsi, Beth-Araba, Semarajim, Bethel, Ovin, Para, Ophra, Képharamonaï, Ophni, et Geba, 12 villes, et leurs villages. Gabaon, Rama, Béroth, Mitzpé, Kephira, Motsa, Rokem, Jirpel, Taréala, Tsela, Elef, Jébusi, qui est Jérusalem, Gibat, et Kirjat, 14 villes, et leurs villages. Tel fut l'héritage des enfants de Benjamin selon leur famille.